Est-ce que cette souris est vraie? Est-ce que si je croque dedans, ça peut être un gâteau? Elle est tout à fait vraie. Et si ce micro était un gâteau? Ou une sucette? Un exemple maintenant. Quel est le vrai? Quel est le faux? Je partirai sur celui-là, parce que les Kellogg's à l'intérieur, c'est chelou. Ah, j'ai raison ou pas? Ah! Un point pour Bibi, frérot. Attends. Ah, oh, j'ai lâché une grosse caisse. On va augmenter le niveau. Quel est le vrai, quel est le faux? What the fuck? What the fuck, the fuck, the fuck, the fuck. Putain, mec, j'ai mal. En fait, j'ai lancé la vidéo, mais j'ai oublié de choisir. Ah ouais, putain, bien fait, hein. En plus, c'est du papier, en fait. What the fuck? Ah non, il a dessiné. Ah ouais. Vous avez compris le concept. Aujourd'hui, on va voir des choses. T'as l'impression que c'est vrai, mais c'est faux. Faux! Comme par exemple ce beau bouquet de fleurs. Oui, il a un couteau, le gars. Attends, quoi? Ok, non. Oh, mais j'ai la dalle. Oh, j'ai la dalle. Oh, mais mec, c'est le best truc, ça, mec. Attends, mais gros, écoute. Tu fais un bouquet de fleurs pour ta meuf. Et en fait, c'est un putain de gâteau. Le mec qui fait ça, il a tout gagné. Ah, mais là, tu fais du 2 en 1. J'adore faire du 2 en 1. Je n'ai pas l'esprit mal placé. Non, non, non, non, c'est pas bien. Waouh. Quoi? Non! Mais mec, alors là, ce qui me choque, bon déjà, c'est ultra bien fait, c'est que même la myrtille, c'est un gâteau. Ok, ça, je pense, mec, c'est une vraie banane. Peut-être elle a trop de détails. Peut-être c'est ça qui la contrarie. Mais j'ai trop envie de faire cette farce. Mais je sais pas faire des gâteaux. Mais si moi, un jour, je mange une banane et puis je vois que c'est un putain de gâteau, ça a l'air d'être ultra bon, mais je te marie. Oh là là, en plus, le couteau est trop bien. Hein? C'est un peu gore. C'est chelou, quand même. Il y a des boulangeries qui sont spécialisées là-dedans. Ah, bêtez. Et vous, est-ce que vous connaissez? Oh, putain. Oh, j'allais dire ça, je vous jure. J'allais parler de la chaussure d'Inox Tag qu'il a eu pour son anniversaire. Il y a la Yeezy, là. Incroyable comme elle était faite. Bon, c'est la même chose. Ça a l'air trop bon, plus les gars, j'ai pas mangé. Des pâtes? Alors ça me donne pas trop envie de manger. En fait, c'est bizarre. Ça, c'est ultra bizarre. Ton cerveau, il doit bugger. Parce que c'est un gâteau, mais tu le manges, mais visuellement, tu penses que c'est salé. Oh, ça doit te faire bugger le cerveau, frère. Oh, alors ça, j'ai des mauvais souvenirs, hein. Cet été, quand j'étais avec Koda, qui m'a fait bouffer un piment dans le désert, les refs, du bois gâteau. Ah ouais, ça va toujours plus loin, quoi. Ah ouais, ça va toujours plus loin, quoi. Et le diabète dans tout ça, hein? Oh non! Je veux un gâteau pour mon anniversaire aussi, moi je veux un gâteau comme ça. Comme ça je le mets en exposition. Bon, il va pourrir, mais si je trouve ça trop joli en fait. Oh, même l'intérieur, les couleurs! Ah, mais ça peut être une bonne farce pour le poisson d'avril, frère. Attends, mais le poisson d'avril, c'est combien de temps? Oh! Mais poisson d'avril, je crois que c'est demain! Ah, mais je vais trouver un gâteau, frérot, je vais faire la farce à Dani. Genre, je vais te faire, oh regarde le bon burger, il est trop bon, nanana. Il va taper dedans, frérot, ça va être du sucré. Ou sinon, il faut faire l'inverse. Tu fais un gâteau, mais le gâteau, tu le fais salé. En tout cas, ravi de vous retrouver pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que tu t'es abonné à la chaîne aussi. Ce mois, il y a une petite guéguerre. La chaîne gaming, ma chaîne secondaire, est en train de rattraper vitesse d'une fusée, frérot, ma chaîne principale que vous êtes dessus là. On va pas se laisser faire, d'accord? Donc, si t'es nouveau, merci à ceux qui s'appellent. On est bientôt 1 600 000. C'est énorme. Merci à vous tous, les renforts. Il y en a encore un petit dedans. Oh, c'était frala stylé, ça. Non, non, arrête. Fous-toi de ma gueule. Oh. Il est chaud. C'est parti les refs. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est fake? On joue ensemble, hein. Selon la fin, on a perdu comme des merdes. Quel est le fake Oreo ici? Lui. Lui, il a l'air d'être chelou. Ok, ouais, c'est des vrais. C'est lui, ça se voit. Oh my god. Oh. Mais mange! Pourquoi? Mange le chocolat! Mange! Mange! Oh, lui. Lui. Lui, s'il te plaît. Oh, nope. Oh non! Oh non, dommage. Ah non, c'est de la peinture. Arrête, il a fait ça avec de la peinture. Trouvez le faux. Peut-être cette canette de coca. Non, je pense que de sûr c'est une canette, j'en ai trop. Un truc en double. Ou peut-être c'est une pomme qu'il faut. C'est un fruit, je pense que c'est un fruit. Dis-moi j'ai raison, dis-moi s'il te plaît, j'ai raison. Oh, my god. Ok. Ok, il est chaud. Ah, il y a un jeu de lumière, mec. Impressionnant. Et en plus, après, il montre comment il dessine. Il a un vrai talent, ce gars. On lui lâche un petit pouce bleu, hein. Pas comme moi qui fais des vidéos réactions, hein. Zéro talent pour ma part. Le mec, il se casse tout seul. Les Skittles, les gars, c'est pas forcément un bonbon qui est connu beaucoup en France. Mais j'ai déjà testé. Ça a de très bons goûts. Attention au diabète. Sans prendre trop. Alors là, pour savoir où est le faux, il y en a un qui a pas de S, là. Lui, peut-être, là. Là. Ah, oh, c'est le rouge. Ah ouais. C'est ça, de la peinture, mec. C'est insane. Quel est le faux? Alors là, mec. Oh putain, what the fuck. C'est celui à droite. S'il te plaît! Est-ce que j'ai raison? Ouais, c'est celui à droite. Let's go, ça, les gars. Et dites-moi si vous avez eu juste. Oh my god. Mais mec. Ok. Pas de the fake. C'est tout en haut. Je sais pas pourquoi, je pense que... Non, le deuxième. Lui, là. En fait, ça se voit qu'il est plus trempé. Oh, ça a des M&M's. Vision nocturne de chat. C'est 7 boules rouges ici. Let's go. On va obliger, c'est ça. Vous pouvez m'appeler le Uncharted Detective. Non, en vrai, c'est un peu simple. 30 tricks pour rendre la nourriture beaucoup plus délicieuse. Vous savez les publicités qu'on voit à la télé, les pubs McDo avec des énormes burgers, tu vois, comme cet exemple. Finalement ensuite quand il est dans ta main, il est tout assez. Ça c'est une technique pour tout rendre plus beau, c'est comme moi, tu vois, miniature, j'enlève un petit peu les défauts, etc. Donc j'ai une belle gueule, pareil pour Photoshop et tous ceux qui font du cinéma, ils sont maquillés avant de passer à l'acte. Enfin l'acte. Arrête d'avoir l'esprit mal placé. Il met une vis dans une pizza, ça a quoi? Il met de la glu, j'ai peur. Il met de la glu sous la pizza, il remet la part. No way, what? C'est vrai que ça, mec, j'ai jamais acheté une pizza où quand je la soulève, ça fait comme dans les pubs, jamais. Là, il remet de la glu, et ils adorent la glu, hein. Arrête! T'imagines l'enfant, là, il passe par là, tu sais. Oh, j'ai faim et tout. Mec, il mange de la glu, il meurt. Jane, pourquoi t'es négatif comme ça? Je sais pas. Parce qu'il ment aussi. Ah ouais, ça injecte de la sauce ketchup et tout, avec une seringue. Ah, ça rend mieux, hein. Encore, c'est pas le best, celui-là. Hein. J'ai envie d'aller voir les burgers McDo, comment ça fait. Oh, les frites McDo. Oh non. Oh non. Oh non, mais il est hardcore. En fait, eux, leur but, c'est vraiment que tout vole, tout soit léger, en fait. Mais tout est faux. C'est un gâteau au carton. Ah ouais. Oh, le burger, let's go. Ah, ça choisit tous les trucs, tu vois, un par un pour que ce soit nickel, chrome et tout, frérot. Et tu vois, c'est vraiment apesanteur, tu vois. Que ce soit le plus big et haut possible. Ah, d'accord. Ah, ça, ce qui m'impressionne, là. Ils mettent des vraies frites au moins dessus? Ah oui. Mais elles sont très bien choisies, les frites, t'as vu? Elles sont pas cramées. Elles sont nickel, frérot. Ah, je peux pas m'en souvenir, j'ai envie de prendre le truc et tout manger comme ça. Ah ouais, style de ouf. Bon, au moins, on est au courant. Real or fake? Vrai. Vrai. C'est faux. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est un ni l'un ni l'autre. Gâteau. C'est un gâteau, s'il te plaît. Mais vas-y, mais c'est des bâtards. Oh, c'était pas un verre, c'était un gâteau. What the fuck? Ça c'est vrai. What? Non, what? Ok, alors là, je viens de me faire avoir, là. Même le papier dessous, c'était un gâteau. C'est un vrai caméléon, arrête. Oui. Quoi? J'ai pas compris, ça bug. Merde, c'est mal qualité. Mais ça, c'est un vrai chien, arrête. C'est dégueulasse de faire ça. En fait, ils ont flouté exprès pour pas nous choquer, je crois. Ça, c'est un gâteau. Ah, c'est un gâteau. Oh my god. Ça, c'est un gâteau. On sait pas avoir deux fois par le papier. Nickel. Waouh. Des fois, ils ont des idées quand même. Mec. Oh, la noix de coco. Oh. Ah, je pourrais regarder ça des heures. Waouh. Le grille-pain. C'est quoi ça? On va même pas savoir ce que c'est de base. Oh, le poulet. Oh. Oh. Ah. Oh. Incroyable, ça. Oh, punaise, c'est incroyable, ça. Je veux, oui, c'est à moi. Je peux acheter. Je veux grossir. Le sac à main. Oh, je veux gros. Waouh! C'est de la neige, ça. C'est de la neige. Ils ont fait un gâteau dans la neige. Oh là là. Oh, il y a un gâteau dedans. Waouh. La casquette, ça, c'est une vraie casquette. Ah, je suis désolé. Ça, c'est une vraie casquette. Ok. Bon, d'accord. Ok, c'est une casquette à gâteau. Red Bull. La pile, mais c'est... S'il coupe, je... Waouh. Cake or iPhone? iPhone. Ben non. Oh, même le couteau, il est stylax. Oh, la souris. Oh. Pas le PC, quand même. Si, le PC, il est faux. C'est un vrai AirPod. Arrête, c'est un vrai. Mais non, alors ça c'est faux, ça. Ah mais non, mais ils nous prennent pour des cons. Ils ont ouvert le AirPod, ils ont mis du chocolat dedans. Et après, il a rouvert avec un cutter. Les gars, j'ai la dalle, j'en peux plus. Direction manger, vous direction le bouton s'abonner avec la cloche. Sur ce, les amis, un grand merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Merci énormément pour tout le soutien que vous donnez en ce moment. Surtout pour ceux qui sont allés voir la vidéo que j'ai faite sur Happy Wheels. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne gaming qui n'est pas du Fortnite. Et en ce moment, je suis en train de tourner du contenu hors Fortnite sur ma chaîne gaming. N'hésitez pas à la voir en cliquant juste ici et dites-moi votre avis dans les commentaires. Allez faire du sport, manger équilibré, comme si c'était pas assez répété par vos parents. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube. C'était une chaîne. Ciao bye. C'est même.